Ces émotions dans le but conscient d'en prendre conscience, de ne plus se les cacher et pour le dédramatiser, ne doit pas, me semble-t-il, têter le corps vital et physique. Qu'en dis-tu? Oui, ce qu'on doit exprimer, c'est ce sentiment. Ce qu'on ne doit pas cacher, c'est ce sentiment. On fait encore, disons, une association entre sentiment et émotion. Mais exprimer ces émotions dans le but conscient d'en prendre conscience, ça s'exprime tout seul, une émotion, puis c'est physique. C'est le sentiment qu'on doit exprimer. Et exprimer ses sentiments, c'est tout à fait autre chose que d'exprimer ses émotions. Mais à un moment donné, à force de galvauder les mots, parce qu'il n'y a aucun synonyme qui veut dire la même chose, eh bien, on finit par parler de sentiments plutôt que d'émotions. Alors, si ça fait longtemps que vous avez le goût de dire à quelqu'un que vous l'aimez, c'est de l'émotion. Vous pouvez le dire. C'est émotif. Si à un moment donné, ça donne que vous avez subitement là, le goût de le dire, ça c'est peut-être l'expression d'un sentiment. Et parce que vous l'avez en émotion depuis longtemps, vous pensez que c'est l'émotion. Ça peut être un sentiment. Comment on fait pour le savoir? Bien, on le dit. Mais si après vous retournez dans vos arrières, dans votre tranchée, puis là vous essayez de défendre ce que vous avez dit ou expliquer ce que vous avez dit, c'est émotif. On n'est pas simple, on n'est pas pur, ça devient compliqué. Le sentiment complique jamais rien. Si on reste dans le sentiment, je veux dire à quelqu'un telle chose, là, il ne comprend rien. Si je reste pur, si je reste sentimentique, ben, je vais être capable de lui expliquer, il n'y aura pas de problème. Si parce que lui ne comprend pas, je redeviens émotif, ben là, on risque d'avoir des problèmes. Parce que dans la mémoire, on se fie ce que vous avez dit. « Ouais, mais tu as dit que tu m'aimais, donc... ça veut non, j'ai dit que je t'aimais, oui, ça implique rien. » Facile à dire, ça. Exact. Facile à dire, ça implique rien. C'est très, très, très simple. Alors, exprimer ses émotions dans le but conscient, d'en prendre conscience, de ne plus se les cacher, c'est vos sentiments que vous cachez, pas vos émotions. L'émotion veut s'exprimer, s'exprime extérieurement ou dans le corps. Dans les deux cas, ça use. Il y a un qui, exprimé dans le corps, ça use un peu plus que l'exprimer extérieurement, mais ça use. Exprimer les sentiments, ça n'use pas. Et c'est les sentiments qu'on doit exprimer, qu'on ne doit plus cacher. Pour dédramatiser, soyez simplement, exprimez les sentiments, il n'y aura pas de drame là-dedans, ne doit pas, me semble-t-il, têter le corps vital. Si on exprime le sentiment, s'il n'y a aucun problème, ça va vous nourrir. Encore une fois, il faut faire bien la nuance entre des sentiments cachés, ça n'existe pas, de l'émotion, qui n'est pas ici exprimée, qui est refoulée. Un sentiment pour quelqu'un, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment, l'instantanéité de lui dire quelque chose, vous ne l'avez pas fait, vous le conservez en mémoire, c'est de l'émotion. Et après ça, vous allez venir le dire, c'est de l'émotion, vous allez dire. Ce ne sera jamais aussi pur, ce ne sera jamais aussi clair. Ça peut créer des problèmes quand vous allez le dire là. Puis si on ne le dit pas, on reste pris avec, on reste avec une énergie qui circule chez soi alors qu'elle aurait dû être exprimée, bien, ça va créer des problèmes. C'est les malaises du refoulement. C'est le sentiment qu'on doit exprimer. Une fois que ça s'est fait, à un moment donné, vous revoyez la personne, vous avez encore le goût de lui dire. Vous n'avez pas décidé que vous lui disiez. C'est encore le sentiment qui passe. Puis là, si vous le dites, vous allez probablement libérer l'émotion. C'est-à-dire, vous allez retrouver l'énergie de l'émotion, puis elle va maintenant vous libérer. Vous n'aurez pas plus exprimé d'émotion. Vous aurez exprimé un sentiment. Comment peut-on se libérer de l'émotion d'un viol? Aucun psychologue ou sexologue n'a réussi à me faire oublier ce sentiment qui me revient presque à toutes les fois que je fais l'amour. Tout dépend des points de vue. Dans certains points de vue, effectivement, chaque fois qu'une femme a une relation sexuelle, elle se fait violer. Puis au niveau cosmique, c'est beaucoup plus ça que d'autres choses. Alors, elle, premièrement, en tant que femme, déjà là, elle n'a pas nécessairement un goût phénoménal pour la relation sexuelle, ce qui est naturel chez la femme, ce qui n'est pas normal socialement, là, mais ça la normalité, il ne faut pas oublier ça, non? Faite par des hommes, surtout là-dedans. Et c'est ça, elle se couche encore, elle attend encore, puis là, il y a encore un corps de bonhomme qui vient se mettre dessus, puis qui, voilà, bien c'est ça. Alors, elle revit dans sa mémoire ce qu'elle a déjà vécu d'un homme qui n'avait pas de corps féminin se mettre sous la dent, on va dire, hein? Bon, c'est correct. Et puis, ben, avec ses chums, eux, ont un corps féminin à se mettre sous la dent, c'est elle. Mais éliminer les corps féminins de la vie des hommes, vous allez voir qu'il y a des violeurs, on va en avoir un mot du paquet. Alors, ben, c'est ça. Psychologue ou sexologue, non. Pourquoi? Parce qu'eux ont essayé de vous expliquer qu'il y avait une normalité dans la relation sexuelle, puis qu'il y avait ci, puis qu'il y avait ça, puis qu'il y avait etc. Puis au fin fond de vous-même, ben, vous avez l'impression que, coup de bain, on pourrait peut-être faire d'autres choses. C'est ça. La femme ici, elle a raison. C'est probablement ce qu'elle fait. Elle se fait violer à chaque fois qu'elle couche avec un homme. Puis je ne dis pas que l'homme est un violeur volontaire. Ce que je dis simplement, c'est que la femme, c'est ce qu'elle vit. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui arrive. Si la femme verrait cette dame-là ici, si elle aurait par exemple une plénitude totale dans la relation sexuelle, ben, elle ferait une scission complète entre le viol et la relation qu'elle a là. Elle fait un devoir conjugal. Il y a quelque chose qu'elle fait que c'est bon, ben je me couche, puis bon, vivement que c'est fini. Puis peut-être que dans la recherche de normalité, elle se dit, oui, mais crème, je devrais aimer ça, je devrais ci, je devrais ça, je devrais ça. Première fois que vous parlez de l'alcool, c'est pas bon. Oh, on finit par s'habituer. Vous allez apprendre à aimer ça. Ben, c'est ça. Mais c'est pas bon. Première fois qu'on fume, on s'étouffe. Oui, mais ça finit par devenir un vrai homme, c'est une vraie femme. Oui, on n'aime pas ça. Je sais qu'on finit par se dénaturer. On finit par trouver que c'est bon. Parce que maintenant, on a besoin d'eux. Fait que c'est bon quand on l'apprend. Puis avant, c'était pas bon quand on l'apprenait. Mais on n'a pas besoin non plus de trouver ça bon. Alors, la dame, ben, c'est ça, simplement. Alors, oubliez ce sentiment qui me revient. C'est pas un sentiment. Bon, il y a probablement toute une stratégie émotive. Peut-être qu'il y a un sentiment. Le sentiment du je devrais probablement servir à autre chose. C'est le sentiment qui, dans l'intelligence, lui fait dire qu'on devrait avoir une communication énergiopathique autre qu'uniquement sexuelle. Il y a quelque chose chez la dame, là, qui passe. Il y a toute la stratégie émotive, probablement, qui vient inhiber. C'est pas nécessairement mauvais, du point de vue absolu. Puis il y a effectivement un sentiment qui lui dit là-dedans, « Torieux, on devrait, me semble, que la femme... » elle devrait faire d'autres choses. Parce que dans ce moment donné-là, ou dans une partie de sa vie, il y a quelque chose chez elle-là qui a totalement raison, puis qui lui fait dire qu'entre l'animal humain et l'être humain, il y a autre chose, il y a une nuance. Puis peut-être que justement, là, c'est l'être humain qui va se coucher, puis qui n'est pas dans ce monde-là. Mais on veut être normal. Moi, ma femme, pendant longtemps, se demandait si je l'aimais, parce que moi, je ne courais pas après, si elle me courait après. Alors, au début, elle me disait, « Ah, t'es pas un vrai homme, toi! » Moi, je trouvais ça un compliment, moi. Mais ça, c'est dans le but de normaliser. T'es pas un vrai homme. C'est mauvais, tu sais. Imaginez, un homme qui n'a pas d'érection, on appelle ça un impuissant. C'est la puissance de l'homme se passe dans le pénis. C'est un impuissant. La femme, elle, quand elle a ses menstruations, elle est malade. Plus il est petit, plus c'est vrai. Ça devient un impuissant. Ah, c'est ça, effectivement. C'est un nain qui est... Non, mais ça, c'est un nain qui a une érection, c'est un impuissant. Ah, oui. Oui. Ah. Il fait des farces, il ne comprend même pas lui-même. Je vais expliquer, mais bon. Je vais l'aller écouter tantôt. Mais on doit sortir de ce schéma-là. Vous aimez les relations sexuelles? Aimez ça, c'est correct. Pensez pas que c'est correct. Mais c'est correct d'aimer ça. Mais, y a-t-il la quantité d'hommes que s'ils seraient des femmes, auraient une autre vision? Ah ben ça c'est sûr, mais l'inverse c'est vrai aussi. Votre fille de 12 ans, là, messieurs, ben couchez avec elle. Elle n'aimera pas ça, elle va s'habituer. Puis dites-tu que c'est normal qu'à 12 ans qu'on couche avec son père, tu sais, c'est... Puis ils vont finir par courir les pères. Ils vont finir par aimer ça. Ils vont finir par souffrir, puis aimer ça, puis chercher de normal, puis ceux qui n'aimeront pas ça, ben là, ils vont se faire vérifier, hein, etc., etc. Est-ce qu'on a des estomologues? Non. On a des sexologues. Puis il y en a un Christ de paquet. Puis je dis pas que c'est pas correct. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a des individus, à un moment donné, qui vont effectivement vivre l'idée que on pourrait échanger autrement. Puis la dame, c'est ça qu'elle vit. Elle a probablement un sentiment qui lui dit, écoute, pauvre petite, t'es pas là, t'es pas à ta place. Puis l'émotion en même temps qui lui fait vivre la réalité de ce que c'est souvent, la terre. Ma fille de 2 ans est teflon. Elle me donne toujours des ordres et fait une crise lorsque je ne fais pas ce qu'elle veut. Elle crie et fait tous les temps. Ça m'énerve, je perds patience. Que faire? J'ai lu les 4 livres sur l'enfant teflon et j'applique. Bon, si vous appliquez, on a votre problème. Si vous pensez appliquer, vous n'appliquez pas, là, il y aura des problèmes. La fille de 2 ans, moi, elle fait des crises, elle fait tous les temps, et elle ne fera pas des crises longtemps. Elle se rend compte que j'ai 2 mains, puis que je les contrôle. Le teflon, dépendamment des teflons, teflon doux, teflon dur ou teflon chevalier, dépendamment des âges, il y a tellement d'enfants qui sont absolument invivables par leur famille, puis quand je les adopterai. Tellement aucun problème, c'est tellement parfait, c'est des amis, c'est doux, ça fait le ménage, ça marche, tu le donnes, ça se chamaille pas, ça... Hey, ils font même mon lit! Ils rentrent dans ma chambre, ils font ma chambre! Le pays, c'est que c'est vrai. Ah ouais, ils font pas le leur chez vous. Non, non, ils font le mien chez moi, hein, ça, je sais. Elle fait des crises, bien à un moment donné, je ne vais pas donner d'exemple comme cela. Ce que vous devez comprendre, c'est que relisez un peu le tome 2 et on doit comprendre qu'on doit appliquer certaines choses. L'enfant fait une crise il y a 2 ans, là, tu le prends par le collet et tu dis « Hey, you, you! » Il continue à faire sa crise, là, ben tiens, la crise, on l'enferme, ça finit là, on l'oublie là. Ou bien non, ben vous en existe plus, vous passez dessus. Puis quand je dis « il n'existe plus », là, ben là, il est dans la chemin puis il continue à crier. Parfait, vous passez dessus, vous le bousculez, vous lui croisez un doigt, vous lui croisez un doigt. C'est pas long qu'il va comprendre que, ben là, il faut que je change de ristourne, ça ne marche plus du tout, là. Mais les parents, là, n'iront jamais jusque-là. Alors que notre teflon, il nous manipule, on résiste. Ben, il va pire, on résiste. Oh, ben là, il se tape la tête sur les murs, laissez-le faire. Puis même, donnez une petite poussée quand il descend sa tête. Allez-vous-en. Parce que là, lui, il va arriver jusqu'au moment donné, où, à un moment donné, vous allez casser. Ben, il veut casser quelqu'un, il devra se casser lui-même. Et après ça, c'est correct. On peut parler en tête humain. Je ne dis pas qu'on donne une fessée à l'enfant. Je ne dis pas qu'on n'en donne pas. Ça dépend simplement du jeune. J'en ai déjà accroché un par le collet. Moi, j'ai quasiment étranglé. Il est venu mauve. Puis j'ai dit, écoute, tu donnes des coups de poing, tu me donnes des coups de poing. À moi, on ne fait pas ça. Tape sur qui tu voudras, pas sur moi. Je pense qu'il ne tape plus sur personne. Puis moi, il m'aime bien. On est amis. C'était correct. Puis personne n'avait osé lever la main sur cet enfant-là. Parce que lever la main, c'est pas éducatif, c'est pas pédagogique, écoute bien, il arrive avec une masse, il tape dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ben là, tu te dis, ben écoute, l'amour, paix, ben lui, c'est un teflon, vous allez voir qu'il va vous teflonner comme il faut, là. Il va vous aplatir. Alors, à 2 ans, elle fait des crises, elle fait tous les temps, peut-être qu'on pourrait la louer à Dorval, tu sais, elle pourrait nous donner de la pluie. Là. Mais, faut pas. N'importe comment, faut pas. L'enfant va comprendre. Souvent, ce que les parents font, c'est qu'ils partent avec l'enfant est extrêmement dur. Ils essayent une méthode douce, une autre méthode douce, une autre méthode douce. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye une méthode douce, il comprend pas, je le vois faire, ben j'essaye l'autre méthode. Puis après ça, ben là, c'est correct. C'est dans le genre, oui, mais j'ai expliqué, ça fait 2 ans, j'y explique que je veux que ça aille faire mal à sa soeur. Ben ouais, moi j'aurais pas expliqué ça pendant 2 ans. Mais là, parce que là, il sait très bien qu'on va expliquer. Non, là, les crises à 2 ans, là, mais là, j'ai eu une fille, hein. Là, là, 20, 21, là. Mais, vous allez voir, à 2 ans, elle fait des crises. Vous allez voir à 14 ans. Commencez tout de suite, parce que après ça, là. Son chum risque d'être plus grand que le père, là. Ouais, on va s'en trouver 2 ou 3, des corps arrière de football, là. Passer plein d'affaires. Comment faire passer le besoin de vengeance chez un teflon? Comment lui faire comprendre l'inutilité de la révolte face à des adultes anciens et Jéhovah par ce croix? Moi, c'est honteux ce que tu pensais en passant. Comment faire passer les besoins? En tout cas. Comment faire passer les besoins de vengeance à un teflon? Je peux pas répondre ça, là. Faut que je voie l'enfant. Ça, ça donne. Hein? Je rencontre pas tout le temps, là, mais il y en a que je peux voir de temps en temps. Comment lui faire comprendre de l'inutilité de la révolte face à des adultes anciens et Jéhovah? Et Jéhovah par surcroît? Non, pas par surcroît. Jéhovah, c'est correct. Parce que ces personnes-là, ils pourraient être bien pires que ça. C'est très bon d'être Jéhovah. D'être le témoin de Jéhovah. Je peux pas répondre là. Quand on parle d'un autre, c'est bien compliqué. Si l'enfant serait ici dans la salle à soir, peut-être que là, j'aurais de quoi à dire. Ses oreilles comprendraient, puis on le dirait à tout le monde, c'est sensible, là, mais comme ça, là, même s'il serait ici, ça dépend encore. Il faudrait qu'il soit plus qu'ici. En tout cas, c'est le minimum qu'il soit ici. Mais là, comme ça, je peux pas répondre. J'ai un fils de 16 ans qui ne va plus à l'école depuis 2 ans déjà. Je le respecte. Par contre, je ne sais pas comment agir devant cette situation. Je suis la même personne, donc j'ai lu... À 18 ans, il faut qu'il comprenne bien qu'à 18 ans, il s'en va. Hein? Bon. J'ai lu les 4 livres sur l'enfant Teflon, j'ai appliqué plusieurs points. Mon fils aussi applique. Par contre, la situation ne me plaît pas. Il ne travaille pas et passe la journée à la maison. Que faire de plus? C'est ça. À 18 ans, il faut se mettre bien clair qu'à 18 ans, les parents déménagent. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants. À un moment donné, là, ça devient, oh, il est à l'école, il travaille, etc., mais ça devient, et tout. Bon. Vous savez, être parent, avoir des enfants, ça va. Et quand on est rendu, c'est plus des enfants qu'on a, c'est des adultes, bien, vivre en communauté, là, c'est pas la même chose. Surtout que sa blonde est déménagée là, son chum aussi, tu sais, fait qu'elle est rendue qu'un adulte, là. Fait que là, à un moment donné, les mettre dehors, c'est bien compliqué. Alors, ma femme puis moi, on s'est mis dehors. On a déménagé, puis ils savaient que quand on déménageait, là, les autres, ils venaient pas. C'était parfait. Oui, tous les égrégores sont préparés à lutter pour quand ils mettent dehors. On s'en allait, nous autres. Fait que, ils sont organisés. Puis temps-là, ben là, ils restent que nous autres. Mes parents ont fait ça avec moi aussi. Oh, mon Dieu, c'est pas pareil. Ils sont déménagés au Labrador, puis j'y allais pas, moi. Je savais pas que tu les connaissais. Il est valu le tombe moins un, là. Lorsque je suis manipulé, je reste conscient de la manipulation, mais je continue à être manipulé. Comment faire pour briser cette chaîne infernale? Premièrement, ôtez l'émotivité dans votre vision. Chaîne infernale, c'est déjà une vision émotive. L'être humain est manipulé, l'être humain n'a pas de libre arbitre. Donc, l'être humain ne décide absolument rien de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, de ce qu'il va aimer, de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Et l'être humain a été investi d'un ego, et l'ego est convaincu qu'il a un libre arbitre. Et le libre arbitre a été implanté dans la conscience de l'ego pour que l'humain puisse vivre la culpabilité. Donc, si c'est vous qui décidez, bien, quand ça ne marche pas, c'est de votre faute. Alors que c'est jamais de la faute de personne. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais rien décidé de votre vie. Moi, j'ai pas décidé d'être ici, lui non plus, puis vous autres non plus. Et la majorité des personnes qui m'entendent pas souvent, ben ils se frustrent quand je leur dis qu'ils n'ont même pas décidé de venir ici ce soir. Et je peux même garantir qu'ils n'ont même pas décidé de se frustrer. Ils constatent qu'ils sont frustrés. Alors, il y a personne qui décide rien. Quand vous vivez des émotions particulières, avez-vous décidé de les vivre? Non. Avez-vous décidé quoi que ce soit? Non. Certaines personnes dans le séminaire souvent me disent « Ah oui, mais moi, si je mange des bananes, là, c'est parce que j'ai décidé de manger des bananes. » Mais non, absolument pas. « Ah oui, non, t'as rien, mon frigidaire est plein de cossins, j'ai quand même décidé. » T'as rien décidé. T'es faite à la tombe. Là, il me dit « Bon, au futur. » Là, je demande « Pourquoi tu manges des bananes? » Parce que j'ai décidé que maintenant, il fallait des bananes. Pourquoi tu n'as pas pris des pommes? J'ai pas le goût des pommes. As-tu décidé que tu avais le goût des bananes? Non. Ben oui. Oui, pourquoi tu as le goût des bananes? J'aime ça. C'est toi qui as décidé que tu aimais les bananes? Oui. C'est ça. C'est facile avec notre ego de dire, écoute, c'est moi qui ai décidé que je sortais avec cette fille-là ou ce gars-là. Pourquoi? Ben, elle me plaît. Tu décidais qu'elle te plaisait. Regardez vos chums et vos blondes, là. Vous C'est là, ouais, comment vous vous faites charrier? Non, mais c'est simple. C'est vrai, je regardais la liste de mes amis, moi aussi, je suis charriant. Ah oui, regardez, vous allez dire, non, mais mon chum, ma blonde, elle me plaît. Oui, ben regardez maintenant, vous autres, regardez la blonde ou le mari ou la femme ou le chum d'un autre. Vous ne comprendrez pas comment ça peut faire, lui plaire. Vous n'avez pas décidé. Les couleurs qui vous plaisent, vous n'avez pas décidé quelles couleurs vous plairaient. Puis là, vous dites, c'est moi qui choisis du bleu parce que le bleu, j'aime ça. Eh oui, franchement, là, on vous tripote un peu, vous avez le brun. C'est moi qui choisis le brun parce que le brun, j'aime ça. C'est ça, être manipulé. Puis celui qui est inconscient ou celle qui est inconscient est convaincu qu'il y a un libre arbitre. C'est lui qui décide. Il décide qu'il chante le matin parce qu'il pleut. Ah oui, mais j'aime pas ça qu'il pleuve. Ben, il décide que t'aimes ça. Ben, j'aime pas ça. C'est ce que je te dis. Tu ne décides pas. L'humain se fait avoir. Alors, la personne, c'est la même chose ici. Lorsque je suis manipulé, je reste consciente. Bon, elle est consciente qu'elle est manipulée. Mais où elle n'est pas consciente, c'est qu'elle n'est pas consciente qu'elle est manipulée dans son désir de contrôler la manipulation. Ça fait partie des subtilités, ça, là. Personne qui, après le séminaire, se rend compte des manipulations, là, elle s'assoit dans l'autobus, puis là, elle se dit, « Hey, c'est écœurant, comment ils sont manipulés? » Elle ne se rend pas compte, elle n'en rend pas de faire son temps, là, elle, là. Elle est manipulée, elle trouve ça débile que le monde s'est manipulé. C'est ça, elle est manipulée, elle aussi, mais elle ne le voit pas. Les subtilités qu'on doit décoder, développer lentement. Moi, je suis manipulé, mais ça ne me dérange pas. Puis quand c'est des manipulations totalement connes, ça me fait juste rire. Puis il se trouve que plus on rit de nos conneries, plus on gagne en énergie. Et plus on gagne en énergie, plus le mental devient le maître contrôleur à bord. C'est-à-dire que les structures de manipulation ont de moins en moins d'emprise sur nous. Alors je suis de moins en moins manipulable. Mais on peut dire que c'est faux. D'accord. Je suis de moins en moins manipulable dans le sens où mon intelligence ne veut pas aller. Quand il pleut, je trouve ça beau. T'es manipulé, oui. Je suis joyeux qu'il pleuve. Quand il pleut pas, ça me plaît. T'es manipulé. Et oui. Puis ça me plaît que ça me plaise. Alors que les autres personnes sont manipulées aussi, mais vont souffrir dans leur manipulation. Alors que moi, je ne souffre pas dans ma manipulation. Il y a des personnes qui vivent ce dilemme-là à un moment donné. Mais là, mon intelligence me dit, il faudrait que je fasse ça, mais je sais que mon ego va se plaire si je le fais. Fait que je ne le fais pas parce que c'est de l'ego. Mais non, pour une fois que ton ego veut aller là où ton intelligence veut aller, écoute, vas-y. Bon, la personne, elle est manipulée, effectivement, c'est correct. Puis elle aimerait s'en sortir, alors elle met de l'énergie là-dessus. Ne travaillez pas à empêcher le laid. Travaillez à développer le beau. Il va finir par engourdir, étourdir, puis annihiler le laid. Ce n'est pas à travailler à contrôler vos mauvaises émotions. Exprimez donc ce qui est correct chez vous. Vous n'avez pas à contrôler l'absurdité dans votre comportement. Exprimez donc l'intelligence. C'est tellement, tellement, tellement plus facile et moins souffrant. Au lieu de passer notre vie, quand je dis devenir le maître contrôleur, c'est qu'à un moment donné, vous allez finir par être vous. Alors, vous allez être manipulé à aller exactement là où vous voulez aller, dans votre intelligence. Dans l'astral, dans le contexte planétaire, vous resterez manipulé. Là où, de toute façon, vous auriez été. Alors, on s'en fout maintenant d'être manipulé parce que ça nous mène là où on veut aller. Alors que présentement, ça vous mène partout. C'est un mot du problème. Parce que là, je veux pas, là, je veux pas, là, j'aimerais, là, je veux plus, là, j'aimerais retourner, mais je suis rendu là, puis c'est tout un manchou. Avez-vous décidé d'être jaloux? Non. Est-ce que vous décidez d'avoir peur le soir? Oui, mais c'est dangereux le soir. Non. Avez-vous décidé d'avoir peur? Non. Décidez-vous que quelqu'un va vous attaquer? Non plus. Décidez-vous que l'automobile va avoir une crevaison? Non. Vous ne décidez rien. Vous passez votre temps à lutter contre la vie, à vouloir décider, à faire des choix. Des choix en fonction des goûts qu'on vous a donnés. Ça fait que c'est même pas un choix. Alors que tout ce qu'on aura à faire simplement, si tu es intelligent, si tu n'es pas intelligent, ben oui, moi je trouve ça intelligent, mais je le fais. Je trouve ça intelligent, mais je ne suis pas capable. Ben c'est niaiseux que je puisse pas le faire. Moi, je ne suis pas niaiseux. C'est niaiseux que je ne puisse pas le faire. Puis, c'est tout. Puis, progressivement, vous allez finir par développer suffisamment d'expression d'intelligence que vous allez faire. Comme ça, sans forcer. Lui, ça fait combien de millions d'années qu'il faut que ça cesse de fumer? Hey, ils vont fumer, lui! 2.4378502.5. Le 5, je ne suis pas sûr, c'est peut-être un 4. Ça fait longtemps! Ça fait longtemps. Ben, c'est ça. S'ils se culpabilisent, ils brûlent de l'énergie. Moi, j'aime autant qu'ils fument et qu'ils soient capables de comprendre ce qui se passe. Puis à un moment donné, ben là, ils ne peuvent plus fumer. Tu fumes encore? Aussitôt que le stade olympique est fini de payer, j'arrête. Ils vont l'améliorer prochainement. Ben, c'est, parce que c'est pour ils ça. Ils vont investir dedans. On paye des taxes. Là-dessus. Mais quand tu fumes, t'aimes-tu ça autant qu'avant? Non, je déteste ça. Tu peux plus s'en aiser. Là. Mm. Voilà. À force d'intelligence. Faut que je me force. Ouais. C'est vrai? Ah, faut que tu sois fumé. Ouais. Je suis malade. À force d'intelligencer les choses, de voir clairement, parce que tu as développé chez toi ce qui devait être développé, tu n'as pas perdu ton temps à lutter, ce qui de toute façon aurait continué de charrier, mais à un moment donné, quand ça va être le temps, ça va être le temps. C'est sûr qu'un jour, vous aurez le pas à faire. Vous savez, aidez-vous, le ciel vous aidera. C'est que le ciel, il vous aide. Puis il restera un pas en dernier. Pas en premier qu'il faut le faire le pas, il faut le faire en dernier le pas. Il vient un moment donné où ce que là, le ciel ne peut plus rien. Moi non plus, juste toi. Ben là, c'est le temps de bouger. Imaginez, il fume encore, il a mal au cœur quand il fume, il n'aime pas ça fumer, trouve ce con, puis il fume encore. Qu'est-ce que vous voulez que le ciel fasse de plus? Mais là, maintenant, là, c'était lui. Par contre, celui qui n'a pas le temps, parce que fumer, ça te restrifie. Ça permet de supporter le contact énergétique sans être malade sans être tout croche. Mais si c'est pas le temps, il va passer 15 ans à travailler pour arrêter de fumer, il va continuer à fumer. Il n'y a pas le contrôle. Là, bon, l'humain, c'est comme ça. Alors, on doit simplement développer ce qui, chez soi, est correct. Laisser faire le reste, il va perdre. Alors, les manipulations infernales, etc., c'est pas plaisant. Développez chez vous ce qui est convenable. À travers les manipulations, vous allez vous rendre compte que c'est génial. À un moment donné, moi, je rencontre un curé. Le curé, il rentre, puis là, il demande à une personne à côté de moi, « Est-ce que vous voulez communier? » L'autre, elle ose dire oui. Fait que l'autre, il communie. Là, il vient me voir. Et je me dis, « Bon, il va me demander, je veux communier. » J'ai rien qu'à dire non. Mais tout le monde a dit oui. C'est tellement bien, il va me demander pourquoi. C'est rien qu'à dire oui. C'est tout niaiseux, c'est tout facile. C'est ça, les traquenards de manipulation. Mais en même temps, servez-vous-en donc pour devenir vous-même, pour vous désinhiber, pour être simple. J'ai pas le goût. Je vais dire non. Je dis non. Il me dit, il est habitué, il en rencontre plein qui disent non, il n'y a pas de problème, là-bas, puis il s'en va. Là, en dedans, mon ego, il vient dire immédiatement, bon, ben, tu vois, c'était pas plus dur que ça. Puis là, immédiatement, moi, ce que je disais à mon ego, ouais, OK, la prochaine fois qu'il passe, par contre, tu diras oui. Parce qu'on ne doit pas être bon dans un côté. On doit être désinhibé, libéré, pas libre, libéré dans tous les côtés. On doit être capable de voler d'un bord ou de l'autre, en fonction de où le sentiment va nous amener. Si à un moment donné, le plaisir qu'il aura à te donner un hostie va dégager tellement d'énergie que tu vas en bénéficier, tu dis oui. C'est pas pour l'hostie. C'est pas pour rien de ça. Tu te sers de la forme. Et regarde l'ego, comment il va s'amuser là-dedans, un ego qui joue le jeu de la conscientisation. C'est que l'infernal, à travers n'importe quelle manipulation, là, vous avez exactement ce qu'il faut pour vous purifier, c'est-à-dire pour redevenir vous-même. Puis le reste va s'en aller, s'en aller, s'en aller tout seul. Ça fonctionne. Certaines personnes me disent, j'ai bien la misère à vous parler, plein d'affaires qui m'arrivent, puis la bouche à... Certaines personnes me disent de laisser exprimer ma puissance, mais cela me semble bizarre que je ne sais pas comment faire. Si l'individu est réellement puissant, elle souffre de fausse modestie, ce qui est inhérent à la personne transitive, et c'est ce qui va rendre souffrant la désinhibition, parce qu'à un moment donné, l'individu devra vivre une désinhibition en face de la désinhibition. Si ce n'est pas de la puissance, de l'orgueil, de l'ego, donc du pouvoir qu'elle va exprimer, bien, là, c'est autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me disent « Hey, Daniel, Daniel, tu sais, je suis prêt à travailler avec toi, moi, je suis tout prêt, depuis 2 ans, là, comment ça que tu le vois pas? » Je vais mettre des miroirs pendant qu'elle me parle, tu sais, de la race étoilée, là, ça l'irait. Il faut faire attention. Elle a peut-être raison, elle a peut-être royalement tort, puis elle peut avoir et raison et tort. Il faudra qu'elle exprime un, pas l'autre. Est-ce que le fait que pour moi, le temps n'est pas encore venu, est-ce le fait que je ne suis pas puissante? Une chose qui est extrêmement plate, c'est que le temps ne sera pas venu pour personne tant que mon temps à moi ne sera pas venu ou tant que le temps d'un autre ne sera pas venu. Puis ça, moi, il n'y a rien qui me frustrait le plus que d'entendre ça. D'ailleurs, ça me frustrait même de le dire. Hein? C'est ce qui arrive. Il y a présentement 2 personnages sur la planète qui sont à la fine tête. N'importe lequel des 2, les portes s'ouvrent. Alors, il y a des individus qui, effectivement, peuvent avancer plus que peut-être où ils en sont là. Mais il y a effectivement des individus qui vont atteindre un plafond puis qui ne pourront pas bouger tant que quelqu'un d'autre n'aura pas bougé ailleurs. Il y a quelque chose que je ne perçois pas, que je n'arrive pas à appliquer. Pourquoi c'est ainsi? On semble me dire de quitter les berges pour suivre le courant, mais je ne vois même pas le courant. Est-ce que je fais partie de celles qui veulent, mais qui ne peuvent? Vous faites partie des individus qui sont pressés. L'être humain peut complètement parvenir à... Il n'y a pas de limitation dans la conscientisation dans le contexte actuel. Alors, à un moment donné, certaines personnes vont justement avoir l'impression qu'elles doivent rencontrer quelqu'un ou bouger de telle ou telle façon ou faire tel ou tel changement, alors qu'on peut tout faire ça à l'intérieur de soi. Alors, souvent, ça devient des fausses raisons. Mais ce n'est pas volontaire, ça devient des fausses raisons de prétendre qu'on aurait besoin de quelque chose d'autre. Certaines personnes vont dire « Ah oui, mais moi, si je serais dans une autre planète, ou bien non, si on serait dans une commune, ou bien non, si on serait… » On peut en mettre plein de raisons. Ça ne change rien. C'est vous qui êtes dedans et c'est vous qui avez le problème. Donc, c'est en réglant cela et non pas en attendant autre chose. Les personnes qui attendent le temps de, probablement que pour certaines choses, ce qu'ils veulent, tant qu'un ou l'autre personnage n'aura pas accompli certaines choses, elles ne pourront jamais passer là. Donc, elles n'auront même jamais de vision claire de ce qui les attend. Parce qu'elles essaieraient de l'appliquer avant le temps. Ça ne fonctionnerait pas. Elles se gâcheraient. Alors que pendant ce temps-là, il y a d'autres choses qu'on peut faire qui sont drôlement plus intéressantes, drôlement plus utiles, beaucoup plus importantes. Et souvent, on ne travaille pas sur ces babioles-là. Dans la cité de Seth, à un moment donné, il y a un personnage qui dit que les petites choses sont extrêmement importantes. C'est d'elles que dépend toute l'évolution des humanités à venir, les petites choses. Alors, eux, ils font des interventions dans le temps pour pilonner l'astral de l'humain dans l'histoire, pour que dans les réincarnations et dans l'éducation, aujourd'hui, l'humain change l'avenir. Mais pour qu'on ne change pas le passé, parce que sinon, on n'existera même pas nous-mêmes. Ça crée un paradoxe temporel qui va faire que ceux qui sont venus là-dedans ne pourront pas naître, donc ne sont pas venus, etc. Alors, on explique les petites choses. Tu arrives avec une unité de transport temporel, puis tu bouges un grain de sable, puis ça peut carrément changer l'affaire au complet. Puis il y a un jeune qui ne comprend rien là-dedans. C'est la même chose pour l'évolution. À un moment donné, il lui explique, c'est très simple, c'est qu'à un moment donné, à cause d'une roche, un clou a été perdu. À cause d'un clou, tu vas dans le désert, dans le passé, à l'époque du pharaon Ramsès II, par exemple, qui devait se battre contre les Hittites. Puis là, tu bouges une pierre, une petite roche. C'est pour ça qu'il faut... La roche, elle faisait perdre un fer à un cheval. À cause du clou, elle faisait perdre un clou à un pied de cheval. À cause du clou, le fer était perdu. À cause du fer, le cheval était perdu. À cause du cheval, le cavalier était perdu. À cause du cavalier... déterminante des grandes choses. C'est ce qui va déterminer ailleurs. Vous passez trop de temps à vous nipper le corps physique au niveau de l'esthétique ou de l'apparence ou de ce que les autres vont penser. Il y a des petites choses. Votre énergie n'est pas placée à la bonne place là, dans ce temps-là. Oui, mais ils sont là dans un monde où personne ne jugerait. Tu te juges tellement que tu ne seras jamais dans ce monde-là. Parce que si on n'est pas capable de s'accepter, on comprend qu'on ne soit pas capable d'accepter ce que les autres pensent de nous. Parce qu'on se fie à autrui pour se connaître. Alors, si tout le monde me dirait « t'es belle » ou « t'es beau », je suis correct. T'es pas plus correct, tu dépends encore des autres. Alors, parce qu'on va te juger, ben là, on s'arrange. Si on met trop de temps, par exemple, à chialer sur une porte qui ne s'ouvre pas, sur la clé qu'on a perdue, qui est restée dans l'émission d'automobile, on chiale, on n'a pas de temps. Alors, bien avant n'importe quoi, la personne, elle se dit tout le temps, souvent, si, peut-être que je ne suis pas prêt, peut-être que ce n'est pas le temps. Vu que ce n'est pas le temps, profitez-en du temps, parce que si ce serait le temps, peut-être que vous ne passeriez pas. Alors, ce n'est pas le temps, tant mieux. Tant mieux que ce n'est pas le temps. Moi, ça m'a servi que ce ne soit pas le temps. Souvent. En attendant, là, il y a tellement de choses. Vous aimez vous maquiller, maquillez-vous, il n'y a pas de problème. Vous souffrez de ne pas être maquillé à votre goût, mais là, vous avez un problème. Puis je ne dis pas que, oui, mais c'est normal, mettez-en des raisons, mais l'idée n'est pas là. Vous investissez votre énergie sur ce qui ne vous rapportera jamais à long terme. Vous perdez. Alors, on va l'investir sur ce qui rapporte immédiatement. Puis on est intelligent. Je vais rencontrer quelqu'un qui a besoin que je me maquille, bien, je me maquille. Mais je sors pour aller voir mon meilleur ami, puis je ne peux pas y aller sans être maquillé, bien là, il y a un problème quelque part. Ah, oh, mais il va trouver que c'est pas le bon ami. Ou tu joues des tours. Tu le rends laid alors qu'il n'est peut-être pas le même. On a en masse présentement à faire uniquement pour... Vous savez, si vous n'êtes pas capable d'être bien malgré la manipulation, puis d'être bien malgré le monde d'aujourd'hui, vous ne serez pas bien nulle part. Alors, vous êtes dans le gros problème, c'est le temps de voir au fin fond de vous ce qui doit être développé au détriment de vos problèmes. Eux vont finir par s'en aller. Et là, on va fonctionner. Quelle est l'intelligence de ne pouvoir s'exprimer avec une certaine personne que sous forme de questions écrites? Après un certain temps, cette inhibition devrait-elle tomber de façon intelligente? Elle ne devrait pas tomber. C'est un langage encore qui est coloré. Après un certain temps, cette inhibition va tomber. Et c'est logique. Mais on ne doit pas souffrir de poser des questions comme ceci. Imaginez que votre ego est plus faible que vous pensez. Vous vous approchez de moi à un moment donné. Vous me posez des questions orales. Disons que c'est ça de moi que la personne parle. Vous me posez des questions orales. On jase ensemble. Puis après ça, vous devenez un disciple. Vous n'aviez pas prévu ça. Tombe en amour humain. Mais peut-être que le fait de poser encore les questions par écrit vous évite ce genre de choses-là. Puis je ne dis pas que mentalement, c'est ce que vous voulez. Implicitement, c'est ce que je veux pas. Sauf qu'il y a peut-être des lacunes encore chez vous, ce qui fait que votre intelligence vous oblige à une inhibition. Les inhibitions sont toujours ramenées par l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui devra lever les barrières, désinhiber, quand vous serez suffisamment énergisé, prêt à une énergification. Et la personne là, peut trouver encore que c'est ici, puis c'est ça, etc. Puis moi, il me semble que j'ai un problème, que si, que ça. C'est pas de problème. Les choses sont très bien faites. Au lieu, par exemple, de développer comment on pourrait communiquer d'une autre façon, soyez donc bien. Et que c'est quétaine, c'est ça. Soyez bien. Puis pas être bien en acceptant le malheur et la souffrance. Non, le malheur et la souffrance, c'est imbécile. Mais développez ce qui chez vous est beau. Acceptez pas le problème. Tolérez le problème. En intelligençant les choses. Puis à un moment donné, ben écoutez, ce qui est important, c'est de parler à Daniel Kerr ou ce qui est important, c'est cesser de chialer quand il pleut. Ben c'est moi qui est important, c'est de cesser de chialer. Peut-être qu'après, vous n'aurez même plus besoin de venir me parler. Et les personnes souvent font le travail inverse. Oui, mais si j'y parlerais, peut-être qu'après, je pourrais comprendre ce qui fait que... Non. Vous allez comprendre la mécanique qui vous porte à chioler. Je ne peux pas vous empêcher de chioler. Ça, c'est votre chemin. Où sont passées vos cravates? Pour la mienne, c'était pas moi, c'était mon père. Fait que... Il est déménagé, je n'ai plus. Puis moi, je n'en ai jamais mis, je vais porter une boucle. Il y a un ego en moi qui ne cesse de me manipuler. Je le regarde aller, mais je n'arrive pas à le dominer. Il me domine. Je prends conscience qu'il me nuit dans mon évolution. Que faire? Il vous nuit dans votre conscientisation Peut-être. Dans votre évolution, non, parce que les égos, ça fait partie de la structure d'évolution. L'évolution, c'est la direction vers la sagesse, on accumule de l'expérience. La conscientisation, c'est de comprendre la source même des mécaniques. C'est autre chose. Votre ego, il vous aide. L'être humain doit passer par la création d'une architecture, un immense échafaud, qui va lui permettre par la suite de créer l'être nouveau. L'ego, c'est une région de notre corps où on va cumuler énormément d'énergie. Et cette énergie-là, à un moment donné, elle devra être récupérée, on appelle cela l'anégoïsation, pour former un double éthérique, la vraie charpente, à l'intérieur de la structure qui nous a permis, à l'intérieur de l'échafaud qui nous permet de soutenir, de bâtir. L'ego, on parle toujours de lui comme un ennemi. Il nuit. Ce n'est pas un ennemi. Il nuit parce que sa fonction, pour nous permettre d'en arriver jusqu'à la prémisse de conscience, était de jouer le jeu de la conscience, pour nous amener vers la conscience. Maintenant qu'on touche la conscience et qu'on commence à être conscient, l'ego, lui, veut continuer à jouer son jeu. Et là, ça devient un problème. Quoi faire pour éliminer, etc., etc.? On doit s'anégoïser. L'égoïsation, c'est le processus par lequel l'ego fond. Traditionnellement, on parlera donc qu'on développe une âme pure, une âme qui n'a pas d'ego. Une âme pure, c'est une âme qui n'a pas de coloration. C'est une âme qui laisse passer l'énergie. C'est une âme qui n'est pas humaine, une âme divine. C'est un réceptacle qui ne contient rien. Une âme pure, c'est l'anégoïsation va créer l'âme pure. Et l'âme pure porte aussi un nom québécois qui est double éthérique. Le double éthérique, c'est ce qui va vous permettre d'immortaliser votre conscience, de vous désassujettir du monde de la mort, puis de passer dans une ère qui est totalement différente du point de vue ascensionnel que ce que l'humanité a connu jusqu'à là, depuis 14 milliards d'années. On dit « faites le contraire de ce que le monde dit, mais le monde dit « il ne faut pas voler ». Comment différencier ce qui est bon? Le monde dit tout maintenant, est-ce que tu fais le contraire? Tu ne fais plus rien. C'est vrai. Comment différencier de ce qui est bon, de ce que le monde dit, et de ce qui n'est pas bon? Les collectifs font ce que le monde dit. Les collectifs, frustrés d'être collectifs, vont dire « moi, je fais l'inverse du monde, c'est encore le monde qui vous dirige. Levez-vous, tu restes assis, c'est ce que je voulais dire. » Bon. Et là, la personne, elle se pose la question, mais là, vu que là, on ne peut plus se fier à personne, elle fait quoi? Ben, c'est le temps maintenant, là, de devenir votre maître. Fiez-vous à vous. Vous devez savoir de par vous-même si on vole ou si on ne vole pas. On n'a rien à faire des autres. Vous devez savoir de par vous-même si le pain blanc est meilleur pour votre santé que le pain brun et vice-versa. C'est pas besoin de savoir pour les autres. Vous devez savoir par vous-même si Daniel Kemp, c'est quelqu'un qu'on doit écouter ou non. Vous ne vous fiez pas aux autres. Parce que si vous vous fiez aux autres, vous êtes encore mal pris. Ça vaut pas la peine de venir écouter Daniel Kemp si vous vous fiez à Daniel Kemp. Vous devez vous fier à vous. Vous devez vous fier à vous pour savoir si le pain est bon. Vous devez vous fier à vous pour savoir s'il faut voler ou pas voler. Si le karma, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux ou pas. Vous devez vous fier à vous. Alors, tant mieux que vous ne sachiez plus à qui vous fiez. Vous avez commencé à devoir vous fier à vous. Imaginez. Vous vous fiez à la collectivité qui, elle, se fie à la collectivité. Tout le monde vole parce que tout le monde dit qu'il faut voler. Un peu comme si on se pose la question à soi. Est-ce qu'on devrait voler ou pas? Il ne sait pas, je ne sais pas, personne ne le sait. Fait qu'au bout d'une demi-heure, là, on s'est tous convaincus qu'il fallait voler, fait que là, maintenant, on vole. Mais on ne sait pas plus. Et on se dit, ouais, mais là, ils disent qu'il faut voler, fait que faut voler. Et c'est ça, ils disent. Vous savez, se fier à une erreur collective ne rend pas l'erreur correcte. Quand on tue un humain, c'est un meurtre. Quand on tue un gang, on appelle ça la guerre. C'est encore un meurtre. Il n'y a rien qui a changé. La loi le permet. Ça reste que c'est con. Hein? La loi permettait pendant longtemps à l'homme de battre sa femme. C'était con. C'était normal. C'était con. C'était complètement normal. C'est de là qu'ils ont créé les constables. Eh, c'est ça. C'est ceux qui sont cons et qui ne bougent pas. Est-ce que l'amitié, pour ceux qui abusaient, est-ce que l'amitié est un sentiment ou une émotion? L'amitié est un sentiment. Elle peut facilement être émotivisée, transformée en émotion. Pourquoi je dis le père doit être l'ami de son fils, il n'y a plus de père, il n'y a plus de fils. Donc on peut même plus dire c'est mon enfant. C'est, tu ne peux pas aimer ton enfant plus que l'enfant d'un autre si tu vis d'un sentiment. Tu ne raisonneras pas. Le sentiment ne te fera pas raisonner à tous les humains. Mais tu ne pourras pas raisonner négativement avec un sentiment, avec l'émotion un peu facilement. L'amitié, c'est très souvent un sentiment. Il devient émotif lorsqu'on ne peut plus se parler. Ou lorsqu'il y a des choses qu'on ne peut plus communiquer. Mais là, c'est mon meilleur ami, mais je ne peux pas y dire. Là, tu as peur de briser les mémoires émotives que tu as chez toi. Tu ne veux pas qu'ils changent. Tu ne veux pas changer. Tu veux garder ça stagnant. Ça devient de l'émotion. Qu'est-ce qui se passe astralement lorsqu'une femme se fait avorter? Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Je ne porte pas de débat là-dessus. Là. J'espère que personne n'est armé. Il n'y a pas de loi qui régisse l'être humain conscient. Est-ce que la femme doit se faire avorter ou pas, ça regarde uniquement ses structures de manipulation. Moi, je trouve dommage qu'on tue un être humain et je trouve dommage qu'on assujettisse un être humain. Et pour moi, c'est égal. Forcer une femme à avoir un enfant, c'est un meurtre. Avorter, c'est un meurtre. Mais si on doit investir sur l'être humain vivant alors qu'on ne connaît pas l'autre, on va investir sur le vivant. Je connais plusieurs personnes qui se sont faites avorter et astralement, je pourrais à un moment donné regarder ton fils puis me dire, c'est peut-être un paquet comme ça qu'on a tué. Et là, je souffre. Je peux aussi regarder Adolf Hitler et me dire, c'est un paquet de mêmes qu'on tue. Et là, je ris. Émotivement, l'humain fait son choix. Pro-vie, pro-choix. C'est uniquement dans l'émotion que le choix est fait. La femme a son mot à dire. Mais si la femme est imbécile, on n'est pas pour la laisser choisir si l'humanité va s'éteindre ou pas. Mais si la femme est intelligente, on ne peut pas l'obliger maintenant à choisir. Alors l'homme, parce que la femme souvent va dire, ça regarde pas l'homme, ça. Ça regarde l'homme en maudit. Oui, mais moi, personnellement, je me dis à un moment donné, j'ai un corps d'homme, donc je ne peux pas porter un enfant. Et c'est peut-être un maudit problème. Et là, la femme va dire, ah, tu sais pas ce que c'est que d'enfanter. Non, je sais pas ce que c'est que d'enfanter, mais peut-être que toi, tu sais pas ce que c'est que de ne pas pouvoir enfanter. Pas tous les mâles qui vont penser comme ça, ils n'ont pas la conscience rendue là. Mais à un moment donné, le gars, il se dit, écoute, moi, je peux pas, puis la femme, elle peut, mais torieux, il faudrait que quelqu'un le fasse. Si je pourrais, je le ferais. Si je peux pas, je le fais pas. Mais là, il faudrait peut-être qu'une femme le fasse. Elle, elle peut. Elle veut pas. Si elle est consciente et intelligente, j'ai rien à dire. Si elle n'a pas de conscience chez elle, j'ai tout à dire. Un peu comme l'enfant. Votre enfant a raison, puis une conscience, vous n'avez rien à dire. Mais là, il n'y a pas de conscience. Il y a 2 ans, il veut traverser la rue, puis il ne sait pas. Là, vous avez de quoi dire. Mais là, il vous dit, écoute, je le sais comment traverser, je ne me ferai pas tuer, puis je fais attention. Là, vous n'avez plus rien à dire. Parent ou pas, mais c'est la même chose. Puis c'est pas parce que le mâle doit diriger la femme, ça n'a rien à voir. Mais les femmes, vous êtes bien mal prises. C'est vous qui devez enfanter. Dans l'avenir, il n'y a pas qu'à d'hommes qui vont se rendre compte qu'ils sont bien mal pris. Ils ne peuvent pas enfanter. Là, dans l'astral, tu peux connaître ce que c'est que d'avoir un enfant. Que de le porter pendant quelques mois, de le mettre au monde. C'est énergétiquement très ascensionnel. Ça ne l'a pas servi encore. Ça l'a servi un peu, mais ça ne l'a pas servi comme ça devrait servir. Alors, de plus en plus, inconsciemment, le père, il va avoir un rôle avec l'enfant. Ah, il veut se rapprocher du rôle de la mère. Pourra jamais enfanter dans les structures actuelles. Mais c'est ça. Est-ce que la femme doit le faire ou pas le faire? Astralement, qu'est-ce qui arrive? Il arrive plein de choses, elle est manipulée. Mais vous arrivez autant de manipulation dans l'astral lorsque vous faites avorter ou pas que lorsque vous mangez une barre de chocolat ou non. Okay? C'est pas à cause de l'ampleur émotive qu'on va mettre dans ce que vous faites que ça a une incidence différente. Vous mangez mal, mais vous êtes en train d'agresser un corps humain. C'est comme si vous forciez un enfant à manger tout croche. On dirait « Yeah, c'est débile ce qu'on fait avec notre corps. » Alors, parce que c'est un enfant ou parce que c'est un bébé, on attache plus de valeurs émotives, puis on se fait charrier. Je le répète, chaque fois qu'un homme éjacule puis qu'il n'y a pas de bébé, c'est des milliards d'enfants qu'on vient d'avorter. Chaque spermatozoïde est un enfant. Chaque fois qu'une femme a une menstruation, c'est un ovule qui tombe. C'est un enfant qu'on tue. Ah, mais d'abord, est-ce qu'on devrait avoir des enfants? Non, on peut pas. Mais si on peut pas, ça ne nous regarde plus. Ça ne nous regarde plus, souffrons-en plus. Puis parce qu'à un moment donné, le spermatozoïde a rencontré un ovule, puis qu'il y a eu une multiplication cellulaire, ça devient plus dramatique. C'est la même chose. Dans chaque spermatozoïde, il y a des réincarnations. Dans chaque ovule, il y a des réincarnations. Ils attendent et ils espèrent. On peut dire. Dans l'astral, ça espère. Mais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Tu sais, t'as une pollution nocturne, t'es un assassin. Oui. Mais la femme, elle est pognée avec un fœtus, puis elle se demande si elle le garde ou si elle ne le garde pas. Moi, être une femme, me faire violer, puis avoir un enfant, j'aurais un sérieux problème. Puis j'ai beau être Daniel Kemp, j'aurais un sérieux problème. Cet enfant-là est peut-être merveilleux, mais sa génétique est une génétique que je ne veux pas. J'aurais un sérieux problème. Avortement ou pas, je ne le sais pas. Alors, en plus, le bonhomme viendrait me voir pour me dire ce qu'il faut que je fasse. Il n'y a aucune idée de l'ampleur de ce que je vis présentement. Je ne suis pas un assassin si je fais un avortement. Un autre conférencier disait la semaine dernière que la certitude qu'il a est inébranlable et est la mesure de l'achèvement du double. Tu viens de dire que tu es sûr à présent. Ton double est-il en train de se fusionner et est-ce pour ça les problèmes de santé qu'as-tu vu dans le futur? C'est ça. Les problèmes de santé dans le futur, je les ai vus là quelques années. C'est pas dans le futur, c'est dans le présent. Je les ai vus quand j'étais très jeune. C'est en 86 que ça devait arriver. Alors, j'ai tout fait pour contourner les prophéties, mais dernièrement, je vous disais qu'on n'est jamais parvenu à contourner une prophétie. Alors, je n'ai pas pu. Mais j'ai pu. Mais grâce à d'autres choses sur lesquelles, à un moment donné, on reviendra. Mais effectivement, oui, c'est présentement des processus qui sont intéressants, qui sont en plus, bien plus que ce qui était dans la question, mais c'est totalement ce qui est dans la question. Le rêve pendant le sommeil est un moment privilégié pour moi, car on peut y vivre toutes sortes de situations sans y être présent physiquement. Depuis quelques semaines, je ne fais que des cauchemars avec des scénarios à faire frémir tous les amateurs de science-fiction. Devriez-vous écrire? Mon ego me dit que c'est un rapprochement avec ma partie haute. Moi, je dis que c'est une forme d'exercice émotif. Est-ce que l'un de nous deux a tort ou raison? Je te laisse répondre. Qui a tort, qui a raison? Les deux. Les deux ont tort, les deux ont raison. Exact. Je savais qu'il le savait. Vous avez totalement raison, les deux parties. Il semble que plus je me conscientise, plus je me fais contester par mon partenaire et accuser d'errance et de gâcher ma vie. Comment exprimer mon intelligence sans aussitôt me faire récupérer par l'émotion réactive de l'autre? Prochainement, je vais faire un PMC+, justement, qui porte là-dessus. C'est comment évoluer entouré d'autrui. Hein? D'autres truies. D'autres truies. J'ai des pensées vilaines. C'est intéressant, tu fais des jeux de mots, tu sais, mais c'est pas toi. Mais, les mécaniques de récupération d'un être évolutif commencent par la culpabilité. Commencent par l'anormalité. On voudra vous faire vous convaincre que vous devez être normal. Pas naturel, normal. Et commence après ça, à un moment donné, par faire attention à autrui. Pas pour évoluer, j'évolue, l'autre, vous faites 5 ans. Fait que là, vous n'évoluez pas. Soyez convaincu qu'on va le rendre malade cardiaquement, c'est la seule façon de vous empêcher d'avancer. Et puis là, on va continuer comme ça. On va vous rentrer dedans énormément. Au fond, peut-être vous rendre malade. On peut peut-être faire perdre de l'argent. On peut faire plusieurs choses. Et si vous continuez, bien là, c'est autrui qui va commencer à servir d'élément pour vous empêcher d'avancer. On revient avec les mêmes choses. Là, on va vous dire que vous n'êtes pas normal. On va vous dire que vous n'êtes pas une vraie femme, un vrai homme, un vrai père, une vraie mère, ou etc. Là, on va commencer à vous harceler. Ça fait partie de l'évolution. Ce sont des symptômes qui prouvent que vous avancez bien. Entouré de malheur, normalement, c'est parce que vous êtes correct. Moi, ce que je vous suggère, c'est de développer les façons qui vont faire en sorte que vous ne serez pas entouré de malheur. Mais veut, veut pas, vous allez devoir accepter certaines petites brûlures internes. Toujours évoluer en tenant compte de l'harmonie chez autrui. Vous n'évoluerez jamais, vous ne vous conscientiserez jamais, vous n'avancerez pas. Évoluer ou se conscientiser en se foutant d'autrui, vous ne l'avez pas non plus. On doit être détaché d'autrui, sans s'en foutre. Ça veut dire qu'on peut laisser un laps de temps pour permettre à quelqu'un de s'adapter. Mais on ne doit pas nous-mêmes cesser d'avancer parce que l'autre ne s'adapte pas, parce que l'autre peut très bien finir par servir d'élément pour vous empêcher d'avancer, donc il ne s'adaptera jamais. À l'instant où on s'en détache et on continue à avancer tout en faisant attention à l'autre, progressivement, il ne servira plus de vecteur pour vous empêcher d'avancer, alors on va le lâcher. Et subitement, il va soit s'en aller, soit commencer à comprendre, lui aussi. Il ne vous suivra pas. Il va subitement être capable, lui aussi, de commencer à avancer. Puis là, il y a d'autres facteurs qui vont commencer à venir l'embêter, lui aussi. Dans un couple, par exemple, ce qui va arriver, c'est que vous commencez à avancer, l'autre ne veut pas. Puis à un moment donné, si ça arrive, ça fonctionne, l'autre commence à avancer, mais dans une voie différente de la vôtre. Par exemple, toi, tu veux avoir la paix dans la maison, puis l'autre veut avoir l'intelligence dans la maison. Et ça peut créer encore des problèmes. Alors, on doit s'arranger pour développer ceci. Très important, regardez cela. On doit, quand on s'entend bien, pouvoir se dire, écoute, quand je suis en colère, là, c'est pas moi. C'est vrai, quand vous êtes en colère, c'est pas vous, vous n'avez pas choisi. Puis, la colère, après ça, vous revenez, puis vous ne savez même pas ce que vous avez dit. Bon, vous n'étiez pas là. Alors, à un moment donné, moi, je disais à ma femme dernièrement, je disais, bon, elle vient me voir, puis là, je lui dis, écoute, c'est pas la maîtresse d'école, moi, que je veux voir, moi, c'est Gloria, fait que, quand Gloria sera là, tu me réveilleras. Mais c'est ça. Chaque fois que tout est con, là, il y a un personnage très particulier que tu prends. Puis on appelle tout ça ensemble Charles. Et moi, le Charles que je connais, quand c'est pointé devant moi et qu'on est devenu amis, c'était le bon côté qui pointait, hein? C'était pas le reste. Ça dépend des points de vue. Ouais. Progressivement, il va m'amener ses saloperies. Subtilement, lentement, tu sais, j'accepte. Là, je finis par me rendre compte qu'il est de même. Mais le Charles que moi, je veux connaître et avec lequel je veux être ami, c'est pas le Charles orgueilleux. C'est pas le Charles chioleux ou le Charles inquiet. Donc, la journée qui arrive en chiolant, moi, je te dois rien, toi. Puis je te connais même pas. Tu sais, c'est un inconnu qui arrive en chiolant, puis il s'attend à ce que je pourrais être mon char. Écoute bien. Non, tu es là, va chercher Charles. Moi, je veux parler à Charles. Vous allez voir que vous allez régler à peu près bien des choses. Quand on arrive à s'entendre que c'est ça... Mais là, je ne peux pas aller chercher, je n'ai pas d'auto. M'en est propre de ton auto, justement. Bon, Charles, il va venir rapide. Il va faire la tour dehors, puis trouve-le. Il est caché le gazon dans le jardin, Charles. C'est très simple. Tu sais, chérie, quand j'ai besoin de coucher avec toi, là, ben j'ai pas le choix. Je suis totalement fait. Alors, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi, tu sais? Mais non, c'est sûr que c'est pas moi évolué, là. Parfait. Mais là, quand tu veux coucher avec moi, là, va t'appeler Donald. Simple. Fait que là, le bon bonheur, à soir, chérie, qu'est-ce que tu dirais, si... Donald qui parle, ben non, c'est Marc. Vous allez voir qu'en dedans, là, Marc, il va vouloir prendre la puissance. Mettons qu'il s'appelle Marc, il est là, ben, c'est dope, c'est compliqué la vie. Mais voilà, là, ben, présentement, Marc, l'être humain intelligent, est en train de s'asseoir sur Donald. Puis, ah, peut-être Donald va venir à un moment donné. Vous savez comment qu'on fait ça? On le fait, ça. On le fait. On arrive, là, puis on dit, « Hey, Pitou! » Voilà, on parle à Pitou, là. On parle à femme! À notre mari! On parle à Pitou! C'est ça. Hey, ma grosse dinde emballée! C'est la même chose! Mais donnez-leur un prénom! Humanisez-les! C'est vrai! Humanisez-les! Vous allez vous rendre compte que... on est capable de commencer à contrôler. Il faut que tu sois sûr que quand tu vas te coucher, c'est bien clair, parce que tu veux vous ramasser 3-4, là. Max, Donald, tu te lèves la tête, tu peux Donald, puis tout qui est couché par-dessus José. Sauf que ça clarifie beaucoup de choses. Il faut que les petits rentrent dans la chambre, qu'on n'en veut rien. Bon, tu te rappelles, à un moment donné, on rencontre un de tes gars qui joue avec un autre et qui vient foutre le marbre. Puis là, on lui dit, écoute, sais-tu que... Là, c'est pas toi, tu sais. On lui expliquait juste la même chose. Alors, il y en a un, c'est lui. C'est avec lui que moi, je veux vivre. Pas que les autres. Il va à l'école, il revient avec la majorité de la gang. Puis il vient dire, c'est moi. Ah oh, oui, certain. Pas toi. Mais faites ça. Quand vous êtes con puis croche, donnez-vous un nom. Puis sachez que c'est vous, là. C'est que c'est lui, là, qui est là, là. Ça, vous voulez être, non, rappelez l'autre, le vous. Puis ça fonctionne. Et avec l'autre, tout ça a fonctionné. C'est évident que là, il faut commencer par y expliquer quelque chose. Tu n'arrives pas, puis du jour au lendemain, il dit que tu te baptises. Mais c'est très, très, très, très, très efficace. Est-ce que la prudence ou le doute peut freiner l'évolution? Exemple, ne pas changer d'emploi pour quelque chose d'incertain, mais possiblement plus créateur à un salaire très inférieur. Le doute, c'est salutaire. Jusqu'au jour où on n'a plus besoin. Là, il devient extrêmement dangereux. La première chose que vous devez faire, c'est d'apprendre à avoir confiance dans votre faculté de discernement. Tant que c'est pas fait, vous le risquez chaque fois que vous faites un choix. Le choix est manipulé. Et c'est justement, n'ayant pas la capacité de discerner, vous ne savez pas si la manipulation vous mène vers votre intelligence, ou non. Mais on doit quand même, au pire, risquer. Parce que dans le risque, vous allez finir par apprendre à discerner. Mais le discernement, c'est pas, par exemple, est-ce que Daniel Kem est correct ou pas? Vous ne l'avez pas. Est-ce que je suis capable de voir quand Daniel Kem est correct et quand il ne l'est pas? Là, vous l'avez. Est-ce que le livre-là est bon? Niet. Est-ce que je suis capable de discerner ce qui me sera utile de ce qui ne me le sera pas. C'est correct. Là, vous l'avez. Être son seul maître, c'est ça. Et après, vous saurez si l'intuition qui vous commande de partir est une intuition d'intelligence ou une manipulation astrale. Le problème, souvent, c'est que la personne fait le choix puis elle perd de l'énergie après, puis c'est plus la même personne qui a lâché l'emploi, c'est plus la même personne qui se cherche un autre emploi. Elle n'en a pas. Puis là, elle se dit, ah, j'aurais dû rester là, puis ça va, puis bah, puis non. Alors, quand on décide de changer quelque chose, restez vous-même, puis restez-le, puis restez-le. C'est le gros problème souvent, c'est que l'humain fait un choix, après ça, il se désiste. Il y en a qui ont fait le séminaire, puis qui après sont... Il y en a qui s'inscrivent au cours PMC, puis c'est comme si maintenant que je t'ai inscrit, c'est maintenant que j'ai fait certaines choses, là je suis correct, j'ai plus besoin de travailler. Tu as fait le choix là, puis maintenant tu continues, reste là. Alors on fait le choix de l'être nouveau, il faudra le devenir après. Il n'y a pas de repos. Mais il y en a un repos, ça s'appelle la mort. La personne va dire, ah ben, moi, je ne suis pas pour choisir. Si on ne choisit pas, c'est la mort aussi. Alors, tu choisis, puis tu y vas. Vous êtes-vous consulté pour ne pas vous habiller en complet ce soir? Pourquoi ce changement d'habitude? Non, c'est pas consulté. C'est pas un changement d'habitude. C'est que de temps en temps, on n'a pas le goût. Puis de temps en temps, on a le goût. On le vibre. Alors, chaque fois que moi, j'ai pas le goût, lui, il a pas le goût. Par hasard. Alors, ce soir, comme c'est quelque... C'est arrivé quelquefois qu'on n'avait pas nos habits qu'on met habituellement. Et chaque fois, on se consulte pas. Je l'appelle, il m'appelle, il me dit, Daniel, ce soir, c'est habillé comment? Il est comme toi, Charles. OK. Mais c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire que moi, je ne serais pas en veston ce soir. Puis je l'ai appelé, puis je lui ai dit, Charles, ce soir, c'est habillé comment? Ça fait trois semaines que là, j'ai dit, ben, c'est correct, c'est ça, voilà. Les deux semaines avant, il était pas là, ça fait. Mais non, je ne consulte pas, et c'est une question d'énergie. Vous savez, voyez-vous, quand je m'habille d'une certaine façon, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est parce que ça me va, ça me plaît. Puis d'autres fois, ça, c'est pas ça. L'onde de forme ne me permettra pas de vibrer ce que j'aimerais vibrer. Alors, je ne le mets pas. Il y a des conférences que je fais dans des écoles où je suis habillé en tuxedo. Puis là, je vous assure que là-bas, elle tape, là, M. Kem, là, ça fait des stepettes, ça fait un don, puis ça ramasse trois sièges, puis voulez-vous ci, puis voulez-vous ça, puis... C'est moi quand même! C'est parce que là, ça m'allait. Elle est longue, celle-là. Quelle doit être la sexualité de l'homme transitif et de l'homme nouveau? La sexualité de l'homme transitif, là, c'est je couche-tu pas. C'est ça, la sexualité de l'homme nouveau, de l'homme transitif. C'est pas ça, c'est même pas ça. Qu'est-ce qu'elle va dire? Oh ben, comme tu voudras pas. La sexualité de l'homme nouveau, c'est... J'en ai parlé souvent dans d'autres conférences, on peut résumer un petit peu ici. Mais la sexualité, on fait un résumé très bref. Chez l'homme ancien, la sexualité, c'est la première lettre du mot amour. Chez l'homme nouveau, la sexualité, c'est le point final après la manifestation au fondé. Si on finit une relation sexuelle, là, c'est parce que tout était tellement parfait avant qu'on s'en est même pas rendu compte. Tandis que chez l'animal humain, chez l'homme ancien, ça commence par ça. C'est un gros point de la relation, de la communication. On va revenir de toute façon dans des conférences prochaines sur la sexualité de l'homme nouveau et des conférences. Prochaine conférence, vendredi prochain, devenir le maître contrôleur de sa vie intérieure. Bonne fin de semaine. Bonne semaine.